au fond de mon grenier que j'ai retrouvé mon pote Lucien. Avec sa banane et ses fringues, ses tiags et son blouson de cuir. L'a pas changé depuis 80, à cette époque on se vendait la gueule. Aujourd'hui il a l'air un peu seul, allez je vais me les relire un brin. Et dis-moi Lucien, as-tu des nouvelles bandes? Maintenant qu'est-ce qu'il glande Franck Margerin? Dis comment qui va le Ricky, celui qui chantait dans ton groupe, qui était le caïd de la troupe et qu'on n'a pas revu depuis. C'était le plus caractériel, il voulait même être un héros. C'est vrai que c'était pas de trop, pour peu qu'il ait du matériel. Et dis-moi, Lucien, as-tu des nouvelles bandes? Maintenant qu'est-ce qu'il glande, Franck Margerin? Et Gilou, le fou de la bécane, qui aimait les customisés, toujours avec ses verres fumés et ses cheveux couleur banane. Il bosse toujours à l'atelier à custom des bécanes pourries. Il aimerait faire ça toute sa vie, ça c'est un rêve réalisé. Et dis-moi Lucien, as-tu des nouvelles bandes? Maintenant qu'est-ce qu'il glande Franck Margerin? Je pense pas que t'aies oublié Riton, celui qui faisait de la batterie. Il jouait même quand on avait fini, il en fait toujours ce con. T'as plus de nouvelles de tes copines, celles qui vivent chez les USA. Est-ce qu'elles supportent Obama? Ça doit leur manquer la bibine. Et dis-moi, Lucien, as-tu des nouvelles bandes? Maintenant qu'est-ce qu'il glande, Franck Margerin? Et toi, mon vieux, mon pote Lucien, c'est vrai que tu as bien vieilli. Le monde autour de toi aussi, il nous faut notre email quotidien. Tu sais, j'ai une super idée, je vais écrire à ton créateur cette parodie écrite sans beurre. S'il vous plaît, patron, un autre saké. Et dis-moi, Lucien, as-tu des nouvelles bandes? Maintenant, qu'est-ce qui glande Franck Margerin? Et dis-moi, Lucien, as-tu des nouvelles bandes? Maintenant qu'est-ce qui glande Franck Margerin? Nanana.